Leçon 3, page 37. La scène se passe dans la maison de campagne de Louis. Tu vivais avec ta mère avant ? Oui. Elle était comment ? Regarde. C'est elle. Ils ne se sont jamais entendus, au point qu'il n'existe pas une seule photo où on les voit ensemble. Et tiens, tu sais où ils se sont séparés ? Place de la Concorde. Tu ne trouves pas ça drôle ? Place de la Concorde ? Ça ne te fait pas rire ? Non. Tu n'es vraiment pas comme tout le monde. Mais si ! Non, les autres, ça les fait rire. Des parents qui se séparent place de la Concorde, d'habitude, ça fait rire. Tu croyais que ça me ferait rire ? Moi non plus, d'ailleurs, ça ne me fait pas rire qu'on se sépare place de la Concorde. Tu veux vraiment pas rester ? Non, c'est décidé. Henri, mes parents aussi se sont quittés place de la Concorde. Tu comprends ? Tu es mon frère, Henri. Je suis ton... Mon demi-frère, exactement.